Le monde réagit à la campagne de sanctions des États-Unis à l'égard de divers pays du monde. Et le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée a répondu le premier courant aux questions du correspondant de l'Agence télégraphie centrale de Corée. Il a dit notamment « Le nouveau projet de loi de sanctions adopté au Congrès américain contre la République populaire démocratique de Corée, la Russie et l'Iran soulève une forte réaction internationale. » La Russie a déclaré infliger une contre-attaque mortelle à l'acte féroce et cruel des États-Unis, alors que l'Iran a taxé ce projet de sanctions d'actes complètement hostiles à son égard, avant de déclarer adopter des projets de contre-mesures nécessaires. D'autre part, les pays européens, notamment l'Allemagne, l'Autriche et la France aussi, mettent en cause la sanction des Américains à l'égard de la Russie en se montrant intransigeants pour ne pas autoriser le sacrifice des intérêts européens pour le principe de l'Amérique d'abord. Par ailleurs, la Chine et le Venezuela aussi réagissent sensiblement à la hausse du niveau de menace de sanction des États-Unis. La Chine a averti les États-Unis que la deuxième sanction à son égard risquera un conflit grave sino-américain, alors que le président vénézuélien a affirmé de prendre des contre-mesures résolues à la sanction américaine. La campagne de sanction des Américains est d'un bout à l'autre un moyen effronté pour réaliser leurs intérêts. Les sanctions américaines visant le salut de leur économie à travers l'agrandissement du marché de l'énergie, de l'exportation, etc., portent atteinte sans merci même aux intérêts de leurs alliés ou amis, sans parler des concurrents. Il est vraiment digne que les sanctions des Américains font l'objet de condamnations de refus partout dans le monde pour leur anarchie et impudence. Il faut que le monde n'accepte point la voyouterie des Américains qui recourent toujours aux sanctions et embargos contre les États souverains s'il s'agit de leurs intérêts. En fait, de par leur nature, les sanctions frénétiques des États-Unis contre la Corée font partie de leur stratégie de domination de l'Asie-Pacifique de nature agressive et de l'hégémonie mondiale. Leurs menaces de sanctions extrêmes nous font redoubler de vigilance et nous raffermissent dans la volonté de mettre sur pied une puissance socialiste avec l'esprit de se renforcer soi-même. Il faut que les États-Unis voient correctement la réalité de notre République dont le potentiel général et le statut stratégique ont atteint un nouveau niveau au lieu d'agir à la légère.